Ça fait du bien aux oreilles. 107.2 Radio Rossignol, d'hier à aujourd'hui. Vos plus belles émotions. Je dis à ces jours-là qu'on l'a dit. Fermez ou même mille places. Si pas là, qu'on ont pelé ni Maradona. C'est chaque jour bon espoir, y'a jour y'a date pour moi. Sa fille est nerveuse, c'est leur mauvais passé. Qui moun qui doit maman, et peut pour aller. Si tu as pour être soif, non, pour toucher. Ou ta man avec moi, pas de joie. Va le payer, mais de papa. Ou même c'est que tu mets pas de main. Ou bon, t'es mis là pour connaître. Sous pas même la jambe à faux pas. Ou quoi que c'est qu'on a la gare. Ou pas le veilleur, ou pas le veilleur, ou pas le veilleur, ou pas le veilleur. Ou pas cause qu'on a la gare. Vous pas payer, vous pas payer, vous pas payer. Radio Rossignol. Musique en continu. En continu.